souviens de cette époque, j'étais adolescent. La télé autre chaîne était en noir et blanc. Armstrong se défoulait en sautant sur la lune. Le monde respirait après l'invasion brune. J'écoutais les Beatles, Pink Floyd, James Joplin. On mettait des couleurs et des fleurs sur nos jeans. On parlait du Kippour et de bien d'autres drames. Les G.I. qui tombaient pour la guerre du Vietnam. On aimerait à se rappeler le souvenir du temps passé. Chercher au fond de sa mémoire et se raconter des histoires. On aimerait à se rappeler le souvenir du temps passé. Chercher au fond de sa mémoire et se raconter des histoires. Dans les salles sortaient match de Robert Altman. J'avais adoré le grand Little Big Man. Des images me reviennent comme un roman photo. J'étais amoureux fou de Brigitte Bardot. Les années 70 étaient providentielles. La jeunesse rêvait en regardant le ciel. Mais 68 elle en avait fait le combat. On ne parlait pas encore de sida. On aime à se rappeler le souvenir du temps passé. Chercher au fond de sa mémoire et se raconter des histoires. On aime à se rappeler le souvenir du temps passé. Chercher au fond de sa mémoire et se raconter des histoires. Nous sommes les enfants des années 80. Entre mon frère et moi, on se chamaillait bien. On a passé du temps à regarder la télé, à voir toutes les séries et le club Dorothée. Les dirigeants du monde jouaient des jeux imbéciles. La guerre Iran-Irak passant par Tchernobyl. Je regardais ces images défiler devant moi, mais j'étais trop petite pour comprendre tout ça. On aime à se rappeler le souvenir du temps passé. Chercher au fond de sa mémoire et se raconter des histoires. On aime à se rappeler le souvenir du temps passé. Chercher au fond de sa mémoire et se raconter des histoires.